Le Lloydcast. Les remarquables. Prenez le temps de les découvrir. Salut la compagnie et bienvenue sur le Lloydcast épisode 23. Aujourd'hui, nous allons encore parler de théâtre. À l'heure où les salles rouvrent et en espérant que la pandémie ne reprenne pas, toucher du bois, je reçois un metteur en scène et comédien au CV long comme le bras de Hulk. Et il a un grand bras, Hulk. Il met en scène le classique et le contemporain avec une touche d'élégance qui n'appartient qu'à lui. Il sait toujours s'entourer des meilleurs. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai l'immense plaisir de recevoir Pascal Faber. Et bonsoir. Bonsoir Pascal, merci de participer. Oui, c'est que le début. Tout d'abord, il y a une première tradition dans le Lloydcast, c'est de demander quelle est ta boisson préférée. Le café. Très bien. Et qu'est-ce que tu bois actuellement ? Actuellement, rien. J'ai bu mon café juste avant qu'on commence. Très bien. Boisson avant, c'était le Coca-Cola. Depuis, j'ai des problèmes de foie, donc j'ai arrêté le Coca et je suis passé au café. Voilà. D'accord. Alors, je précise qu'on est le 16 mai et il est 21h. Donc, si tu prends ton café déjà toi à 21h, ça ne te fait plus rien la caféine ? Non, ça ne fait plus rien maintenant. Je suis devenu un addict. Alors, on va parler évidemment un petit peu de ton parcours avant d'arriver sur l'actualité, enfin d'ailleurs les actualités, parce que la réouverture des salles, pour toi, il va y avoir aussi quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actualités. C'est quoi, en quelques mots, ton parcours de metteur en scène et de comédien ? Tu as commencé par la comédie, c'est ça ? J'ai commencé en tant que comédien, oui. J'ai fait l'école d'acteurs de Cannes en 1990, dont j'ai été viré en 1991. Et puis, j'ai bien fait de partir, parce que quand j'en suis parti, j'ai Guy Foissy, qui était le parrain de l'école, qui m'a appelé, qui m'a dit « Écoute, appelle Monsieur André Méral dans le Var, je vais parler de toi, il t'attend. » Et puis, j'ai signé 3 ans de contrat en sortant de l'école. Voilà, donc j'ai bien fait d'en partir. Et qu'est-ce qui t'a amené de ton parcours de comédien à arriver à la mise en scène ? C'est venu un peu sur le tard, parce que j'ai commencé, je crois, en début 2000, quelque chose comme ça, la mise en scène. J'étais au Théâtre du Nord-Ouest en tant que comédien, chez Jean-Luc Génère. J'ai débarqué chez lui en tant que comédien, j'ai bossé un petit peu, et puis un jour, je lui ai dit, écoute, voilà, Jean-Luc, je voudrais faire de la mise en scène. Et il m'a dit, écoute, amène-moi un texte. Donc, je lui ai amené des textes, et je lui ai amené des grands textes. Il m'a fait, non, ça, c'est pas pour toi. Il m'a fait, non, ça, c'est pas pour toi. Non, ça, c'est pas pour toi. Et puis un jour, il m'a dit, regarde du côté de Ray Bradbury. Je lui ai dit, mais il a fait du théâtre, Ray Bradbury. Et puis, en fait, je lui ai amené une pièce de Ray Bradbury. Il m'a fait, non, pas celle-là. Et puis après, je lui ai amené Destination, le cratère de Chicago. Et il m'a dit, écoute, c'est une pièce à 3 personnages. Alors que j'arrivais avec mes grosses valises, avec des pièces à 10, 12 comédiens. Et il a eu raison, parce que j'ai commencé par tout petit. Et puis la première s'est faite. Et puis il a aimé le travail. Je lui ai dit, écoute, deuxième cycle, j'aimerais bien recommencer une autre mise en scène. Et puis j'ai amené Marie Tudor. Et puis en 2002, que je commettais en scène avec un ami. Et puis là, j'ai commencé à toucher aux gros textes, aux grands textes et aux grands auteurs. Et puis, c'est parti de là. Parallèlement, je continuais à jouer au Nord-Ouest. Et puis, j'ai fait mes armes de metteur en scène au Nord-Ouest jusqu'à ce que Philippe Person m'appelle un jour. On était au Festival d'Avignon tous les deux. Et il m'a dit, ouais, Marie Tudor, je l'avais vu au Nord-Ouest. Est-ce que tu ne veux pas le reprendre au Lucernaire ? Il prenait la direction du Lucernaire à cette époque. Et je lui avais dit, écoute Philippe, j'ai 11 comédiens, ça dure 2h40 pour le Lucernaire, je ne suis pas sûr que ça rentre. Quoi. Et il m'a dit, écoute, je te propose, tu réfléchis. Et tu en fais une version de 40 minutes. Et quand on fait une proposition comme ça, tu réfléchis. Donc j'ai été à une petite librairie de théâtre qu'il y a à Avignon, près de la rue des Teinturiers. J'ai racheté Marie Tudor. Et je me suis dit, comment je peux réduire ça en 1h30 avec 6 comédiens ? Et je me suis mis dessus. Et au bout de 2 jours, je suis allé voir Philippe et je lui ai fait, écoute, banco. Et Marie Tudor s'est jouée au Lucernaire. Et j'ai eu le bonheur de rencontrer un gars qui s'appelait Christian Leventy, qui nous a quittés récemment, et qui a vu la première de Marie Tudor et qui m'a dit, écoute, en sortant du spectacle, il m'a dit, est-ce que vous faites Avignon ? Je dis, non, écoute, je n'ai pas les moyens avec la compagnie qui vient de naître de faire Avignon. Et il m'a dit, je te produis. Et tout est parti de là. Voilà, Marie Tudor a eu un grand, grand succès. Et on a fait près de 350 représentations avec. Et Christian a été là toujours pour m'épauler. Il a produit un deuxième Avignon. Et puis après, voilà, la route a commencé avec la compagnie. La compagnie a monté après le Marchand de Venise, puis les Caprices de Marianne il y a 3 ans. Et puis là, sur un air de tango, à côté de ça, j'ai eu mon parcours de metteur en scène indépendant, qu'on va dire, où on m'appelle et j'y vais. Et justement, on va en parler. Ce que j'ai volontairement omis dans ma présentation, c'est que tu es un de ces rares de ce métier que je connais qui est un véritable homme de troupe. Alors, il y a un homme de troupe qui est très connu aujourd'hui, qui gagne des Molières, qui s'appelle Jean-Philippe Daguerre, que je salue, parce que c'est un vrai homme de théâtre et aussi donc un vrai homme de troupe, parce qu'il a toujours sa troupe avec lui, il les fait toujours jouer, etc. Mais toi aussi, tu as ta propre compagnie, donc ce qui fait que tu as aussi une autre vision des choses. Tu n'es pas simplement un metteur en scène qui va travailler en tant que, je mets des grosses guillemets, en tant que mercenaire avec les uns et les autres, mais tu as aussi ta propre compagnie que tu portes beaucoup, non ? C'est ce que j'aime, en fait. Je me considère plus comme un artisan qu'autre chose. Un jour, j'avais un coproducteur qui a débarqué dans la compagnie, dont je tairai le nom, parce que ça s'est très mal passé, mais qui m'a dit, écoute, ouais, l'année prochaine, on aura 5 spectacles à Avignon, je produirai les 5. Je fais, non, moi, ça ne m'intéresse pas, 5 spectacles. Je veux monter un spectacle et m'en occuper, et être avec mes acteurs. Et c'est pour ça que quand avec la compagnie, on part en tournée, ben, je suis dans le camion avec le régisseur et puis j'accompagne l'équipe. Quand je ne joue pas dans le spectacle, parce que j'essaye toujours de rester avec eux, parce que j'ai du mal à couper le cordon. Et justement, tu dis que tu joues dans les spectacles. Est-ce que c'est dur de se mettre en scène et pourquoi tu te distribues dans certaines de tes mises en scène ? Pour faire simple, je me distribue parce que plus personne pense à moi comme comédien. Donc, les planches me manquent en tant que comédien, donc je me distribue. C'est un pense-bête que tu envoies aux autres. Ouais, et puis c'est surtout pour… Généralement, quand je me distribue, c'est que c'est un petit rôle ou une reprise de rôle. C'est sur Marie Tudor, c'est Sacha Petronijevic qui a créé le rôle de Simon Renard. Et quand il est parti, j'ai pris sa place. Voilà, j'avais vu le parcours qu'on voulait pour le personnage ensemble, donc c'était plus facile de rentrer dans ses souliers. Et quand j'ai joué Tibia dans Les Caprices de Marianne, c'est un petit rôle et j'avais Bénédicte Belby qui était en face pour me dire, pour me driver et me mettre en scène, quoi. Et il y a un lien entre les deux, entre le comédien et le metteur en scène, qui est l'auteur. Et est-ce que tu écris, est-ce que tu as des velléités d'écriture de théâtre ? Aucune. Je pense qu'il faut savoir ce dans quoi on n'est pas trop mauvais et éviter ce dans quoi on n'est pas bon du tout. Et je ne sais pas écrire. Adapter un texte classique, oui, ça j'aime, mais prendre la plume et écrire moi-même des personnages, je ne sais pas faire. Et qu'est-ce qui te pousse à mettre en scène une pièce en dehors des pièces sur lesquelles on va te faire des commandes ? De toute façon, on va parler, par exemple, tu travailles aussi avec des auteurs très connus comme Éric Emmanuel Schmitt. Qu'est-ce qui fait que toi, à un moment, tu décides d'aller vers un texte et que tu veux le porter avec ta compagnie ? Qu'est-ce que tu cherches dans un texte en particulier ? Jusqu'à présent, enfin jusqu'à la dernière pièce sur un air de tango, c'était parce qu'il fallait que l'histoire me parle. Quand j'ai monté Marie Tudor, j'étais dans une période où je venais de me faire larguer, j'étais tout seul, j'étais jaloux comme un pou. Et parce que je la voyais, c'était au Théâtre du Nord-Ouest, et je la voyais avec un autre à côté. Et quand j'ai lu Marie Tudor, je me suis retrouvé, mais dans tous les personnages de la pièce. Et j'ai fait, écoute, je suis dans le parfait état pour parler de cette pièce-là et pour pouvoir la raconter. Parce que je ne veux pas faire de mise en scène, je veux raconter des histoires. Après, on a des acteurs qui sont là pour ça, qui sont là pour transmettre l'histoire, pour transmettre les personnages. Et je pense que mon rôle à moi, c'est de les aider avec la vision que j'ai moi des personnages à aller dans ce sens-là. Mais c'est eux qui sont sur le plateau. Moi, je ne prends pas de risque. C'est eux qui sont en danger. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre soin d'eux. Et c'est ce que j'aime. Après, moi, je reste dans… Enfin, le plus beau compliment qu'on ait pu me faire sur une critique, c'était sur Marie Tudor et on a eu du théâtre populaire au sens le plus noble du terme. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier, justement ? Mes acteurs. Le fait de faire les auditions ou est-ce que tu as tout de suite en tête le comédien ? Non, oui, c'est ça. Je ne fais pas d'audition. Tu sais tout de suite qui tu vas prendre pour tel texte ? C'est ce qui s'est passé en fait pour le dernier, là, pour Sur un air de tango, que je commets en scène avec Bénédicte Belby. Je cherchais depuis 2 ans une pièce pour Michel Papineski, qui était mon Shylock dans Le Marchand de Venise et qui est un peu devenu mon papa de théâtre et qui est la plus belle rencontre que j'ai faite au théâtre. Et pendant 2 ans, je cherchais une pièce pour lui, pas pour moi, pour lui. Et le fait est je suis tombé grâce à Didier Caron sur cette pièce à Avignon. Et non seulement j'ai eu un coup de cœur personnel, mais c'était la pièce qu'il fallait pour Michel. Voilà, je pense que ouais, c'est un tout en fait. C'est faut que ça aille avec les gens, faut que la pièce corresponde aux gens avec qui j'ai envie de travailler et me parle à moi aussi. Donc ça complique un peu les choses parce que des auditions, j'en fais pas. Je fais des rencontres au théâtre, comme là, il y a Chloé Froget qui joue dans Un air de tango que j'avais vu dans M comme Marquise à Avignon. On a sympathisé dans les rues d'Avignon et puis quand on en est arrivé à la distribution avec Bénédicte, on a fait ben voilà, Chloé serait très bien dedans. Mais il n'y a pas d'audition. On se rencontre autour du texte, on lit un petit bout et puis on voit si ça accroche avant tout humainement parce que c'est une aventure humaine, des répétitions. Justement, j'ai l'impression que dans tes mises en scène, dans les pièces que je vois de toi, il y a toujours un vrai soin à apporter à la direction d'acteur. Et je repense à. Alors, c'est terrible parce que j'ai plus le titre en tête, mais la pièce de Marilyn Balle, Oui, Escale. Escale, merci. J'avais Avec Quatre-Gares, tu vois. Donc, Amélie Dias et Xavier Lemaire. voilà. Et je me souviens avoir découvert Amélie Hétas vraiment dessus. Et j'avais été absolument épaté. Et c'est drôle parce que j'ai l'impression de retrouver des petits éléments de direction d'acteur chez toi. Il y a toujours quelque chose qui effleure, c'est jamais tu vas virer dans le pathos ou quoi que ce soit. Il y a toujours quelque chose qui est. J'ai l'impression que tu arrives à diriger tes comédiens toujours sur le fil du rasoir. En tout cas, c'est mon sentiment des spectacles que j'ai vus de toi. Il y a toujours une vraie. C'est pour ça que je disais en intro, une espèce de petite élégance. Ça va être ma part de féminité. Tu penses que l'élégance n'est que féminin? Tu sais, je suis quelqu'un d'assez maladroit quand je travaille parce que je n'ai pas forcément les bons mots. Et depuis que je travaille avec Bénédicte, j'ai appris beaucoup dans mon rapport à l'autre. Et elle m'a beaucoup aidé là-dedans. Et maintenant, j'arrive à être plus doux avec les acteurs. Et je pense qu'un acteur, si tu le brusques, t'arrives à rien. Et si ma direction, ou notre direction, vu que là en ce moment on travaille à deux avec Bénédicte, si notre direction, je pense, atteint ce que tu dis comme niveau d'élégance, c'est parce qu'on aime nos acteurs. Et c'est eux après qui font le travail. Nous, on les aime et on les guide. Voilà. On partage une même femme, toi et moi, Oui, mais toi, oui. tu l'as beaucoup plus que moi. T'es jaloux, Mais je pense que moi, j'ai peut-être fait un truc en plus. Je lui ai écrit un rôle et je l'ai mis en scène dans le rôle que je lui avais écrit et ça, je me le garde. Mais donc, notre cher bébé, notre cher Bénédicte Belby, je raconterai un jour dans quelles circonstances on s'est rencontrés et comment elle est arrivée devant moi et que son bouton de chemise a sauté à ma vue et m'a laissé entrevoir certaines choses. Bref, finalement, je l'ai dit. Bénédicte Belby, qui est à la fois comédienne et qui s'est révélée être, en tout cas moi sur mes. ce que les gens ont tendance à oublier aussi. Donc, il faut le rappeler, Bénédicte est comédienne et elle joue Bénédicte, dans Un cadeau particulier exactement, j'allais Didier dire. Caron qui Voilà. sera à Avignon cet été. Exactement. Et Bénédicte est une formidable comédienne qu'il faut absolument voir, découvrir ou redécouvrir. Mais. Aussi, Bénédicte a cette formidable qualité de pouvoir être une merveilleuse directrice d'acteurs. Bénédicte, c'est une merveilleuse rencontre. Comment dire, c'est son rôle, mais je crois qu'on a le même rôle tous les deux quelque part. On termine les phrases l'un de l'autre. Et il nous arrive même fréquemment de dire la même chose au même moment. Ce que nous a encore fait remarquer un comédien sur Tango, c'est je venais de parler avec Damien, et Damien est allé voir Bénédicte, et Bénédicte lui donne une note, et fait, mais c'est exactement mot pour mot ce que vient de me dire Pascal. Voilà, il y a eu des anecdotes de répétition que je tairai. Si elle écoute, elle comprendra. Ou sur un petit bout de papier qu'on avait l'un à côté de l'autre, on donnait une note et on avait écrit la même chose sur une feuille différente. Voilà, c'est plus qu'une partenaire. Et ce qui est formidable avec Bénédicte, c'est qu'elle a souvent été mon assistante, sur Marie Tudor, sur Le Marchand de Venise, sur Les Caprices, sur Célimène et le Cardinal, sur Madame Pilinska, Le Secret de Chopin d'Éric Emmanuel. Et quand on fait une mise en scène ensemble, c'est la deuxième là, qu'on fait ensemble, tout se passe aussi bien, voire mieux que quand elle est mon assistante ou ma collaboratrice, parce que j'aime pas le mot d'assistante. Pour moi, une assistante, c'est quelqu'un qui fait les plannings. Bénédicte, ça va bien au-delà de faire des plannings. C'est une vraie collaboration qu'on a ensemble. C'est plus que mon bras droit. C'est la moitié de moi. On pourrait vous appeler un cerveau pour deux, non ? Presque. Mais presque. Alors, il y a un personnage récurrent dans le Lloydcast, c'est une petite souris. Alors, la petite souris, simplement, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est elle va suivre mon invité sur une de ses journées de travail. Et si la petite souris te suit, Pascal Faber, qu'est-ce qu'elle va découvrir de toi ? Ah, pendant que je travaille, elle serait en répétition et puis elle sera obligée de se taire parce qu'avec Bénédicte, on a pris le pouvoir. Voilà. Mais est-ce que tu as des rituels quand tu mets en scène ? Est-ce que tu es un metteur en scène qui écrit ses mises en scène ? Ou est-ce que je sais que par exemple Didier Caron est quelqu'un qui cadre beaucoup. Est-ce que tu y improvises davantage ? Non, en fait, quand je lis la pièce, je vois le décor. Déjà, voilà, je fais ma petite scéno avant. Après, elle évoluera forcément au fil du temps. Et puis je me fais mon idée sur ce que j'ai envie de raconter, comment j'ai envie de le raconter. Et après, je pense que les acteurs sont là sur le plateau pour t'aider à aller plus loin. Si tu prépares trop ta mise en scène en te disant voilà, à tel moment il va faire ça, il va aller là, il va dire ça, bah, tu te prives de ce que l'acteur peut t'amener. Et c'est dommage. Surtout quand tu travailles avec des acteurs avec lesquels je travaille. Ça serait dommage de se priver de ce que eux peuvent apporter. Mais est-ce qu'elle verrait cette petite souris te voir douter ou comment oh là, elle verrait beaucoup ça. Elle verrait beaucoup de doutes. Elle verrait beaucoup, beaucoup de doutes. Elle se foutrait même de ma gueule par moment parce que je suis maladroit. Je n'ai pas forcément toujours les bons mots et ça, mes acteurs pourront te le dire. Je dis mes acteurs, c'est les gens avec qui je travaille pourront te le dire. Ils ne sont pas à moi, ils sont à plein de monde. Mais ils verraient les pieds de Bénédicte sous la table en train de me donner des grands coups dans les tibias pour m'empêcher de faire trop de bêtises. Et en même temps, ils me verraient heureux. Elles me verraient heureux parce que je ne suis heureux que quand je travaille. Il y a une autre qualité que tu as aussi chez toi, c'est que comme les plus grands, tu sais très bien t'entourer. Et alors on parlait de Bénédicte, bien sûr, mais tu as toujours eu la chance de pouvoir travailler avec des très, très beaux comédiens. Et aussi d'une autre personne dont on parle assez rarement, mais quelqu'un qui est plutôt dans l'ombre, mais qui met les gens en lumière. C'est Sébastien Lanoux. Exactement. Voilà, je voulais que tu en parles un peu. La lumière, parce qu'en fait, je pense que, pour moi, la lumière est un personnage à part entière dans le spectacle. Là, j'ai dans le tango à trois comédiens, la lumière est le quatrième. Voilà, c'est tout aussi important, c'est même vital, je pense, une bonne lumière à un spectacle. Et Sébastien est quelqu'un non seulement de terriblement doué, mais d'une gentillesse à toute épreuve. Et quand on travaille ensemble, voilà, là, c'est sur le tango, où il me demandait, t'as combien d'univers, tu veux quoi ? Qu'est-ce que tu veux raconter ? Et je lui dis, voilà, ce tableau-là, c'est ça, il est telle heure, il se passe ça, il y a telle météo dehors. Parce qu'en plus, là, on est en huis clos dans le spectacle, tout se passe dans un restaurant. Et c'est peut-être... On peut croire que c'est beaucoup plus facile que d'éclairer un spectacle comme Marie Tudor qui passe de lieu en lieu, ou dans ces cas-là, on peut avoir un univers différent. Mais là, il a réussi à me faire 4 ou 5 univers sur 1h30 de spectacle, alors qu'on est dans le même endroit. Et c'est là tout le génie de Sébastien. Et puis c'est pour ça, je pense que quand on part en tournée et que c'est la compagnie qui emmène le spectacle, c'est lui qui fait la régie, on est tous les deux dans le camion et puis on a notre petit parcours sur la route, on sait où est le Burger King sur l'autoroute. et puis voilà, c'est mon petit frère Sébastien. Et j'ai découvert aussi une nouvelle personne qui est Cynthia L'Hôpitalier qui m'a habillé mon décor avec une élégance. Je crois que c'est le plus beau décor qu'on ait eu sur un spectacle de la compagnie. Moi, j'ai vu les photos, j'ai trouvé ça absolument remarquable, hyper beau. J'ai pris beaucoup d'inspiration dans ce que j'aime le plus au monde, c'est le musical du West End. Enfin, beaucoup d'inspiration, non, mais j'avais pas envie de faire un lieu clos. J'avais pas envie de mettre des panneaux en dur. Et je suis allé voir un jour War Horse à la scène musicale, qui est un gros spectacle de marionnettes musicales. C'est splendide, ce spectacle. Et j'ai vu les comédiens rentrer avec une porte et ouvrir la porte et rentrer sur le plateau. Ben ouais, mais c'est tellement plus simple. Il y a juste une porte, en fait, et on comprend très bien. Une porte, c'est une porte. Il n'y a pas besoin d'avoir un mur à côté. On comprend qu'une porte, ben, il y a forcément un mur à droite et un mur à gauche. Et voilà, il y a des petites choses comme ça qui nourrissent à chaque fois mon imaginaire et mon envie de pas avoir trop de choses sur un décor. C'est, pour moi, tout ce qui est sur le plateau doit servir, sinon il n'a pas de raison d'être. Tu peux aussi t'enorgueillir d'avoir emmené une magnifique comédienne jusqu'aux Molières. Gaëlle Biodano. Je pense que de toute façon, c'est la plus belle récompense que peut avoir un spectacle ou un metteur en scène. Ce n'est pas le Molière du metteur en scène, c'est le Molière du comédien ou de la comédienne. Gaëlle, c'est une personne adorable, c'est une comédienne remarquable. Elle a fait un superbe travail sur Célimène. Elle est le rôle. Donc, c'était un vrai plaisir. C'est une très, très belle expérience avec Pierre Azéma qui jouait son Alceste. C'est un très beau duo qu'on avait au théâtre. Et tu travailles donc les textes de grands classiques comme Victor Hugo, mais aussi avec des auteurs contemporains. Alors, à la fois, quand je parlais de ton actualité qui va être débordante, donc tu travailles avec Eric Emmanuel Schmitt, avec Isabelle de Toledo sur la pièce sur le tango. Qu'est-ce que ça te fait, toi, de travailler donc avec des auteurs contemporains? Est-ce que c'est des gens qui regardent beaucoup leurs textes? Est-ce que c'est des gens qui te laissent totalement libre? Qu'est-ce que tu attends d'eux, par exemple, en tant que metteur en scène? Isabelle de Toledo, j'ai une entière liberté, elle me fait entièrement confiance. Éric Emmanuel, ça a été une formidable rencontre, et ça l'est toujours d'ailleurs. Il avait vu Marie Tudor, il avait adoré Marie Tudor en 2014, je crois, ou 2015, et il était sorti du spectacle, il m'avait dit, j'ai envie de t'aider, je sais pas comment, mais je vais t'aider. Après Marie Tudor, Le Marchand de Venise, c'est pas trop la programmation du Rive Gauche. On s'est rencontrés sur d'autres moments et un jour il m'appelle en me disant, écoute, voilà, j'ai envie de mettre au théâtre mon dernier roman qui s'appelle Madame Pilinska et les secrets de Chopin. Est-ce que ça t'intéresse? Ben, tu dis pas non. Et ce qui a été le plus beau, c'est le plus beau cadeau qu'il m'ait pu faire, c'est que il m'envoyait les feuillets les uns après les autres. Je recevais d'un coup 4 pages de texte et puis qui me disait, tiens, voilà pour nourrir ton imagination. Et puis une semaine après, je recevais 9 pages. Et j'ai vu le bébé évoluer comme ça et grandir comme ça. Et je remercierai jamais autant Eric de sa confiance et de sa gentillesse. D'ailleurs, le spectacle sera repris cette année au Chêne Noir à Avignon, avant de repartir en tournée, si tout va bien. Et puis après, il y a eu Marie-Line Balle aussi, en auteur contemporain, qui a aussi toujours soutenu mon travail. Et c'est la première collaboration que j'ai eue avec Bénédicte en tant que co-metteur en scène. Et là, c'était pareil. Elle nous a laissé carte blanche pour monter tout ça. Et à partir du moment où la confiance est établie, je pense que l'auteur peut faire confiance au metteur en scène. Et Éric Emmanuel m'a fait entièrement confiance. On a travaillé comme des acharnés chez lui en Belgique. Et je pense que le résultat est au rendez-vous, parce que si la confiance est là, je pense que le résultat peut être que bien. Voilà, si ça se passe mal avec ton acteur, tu peux pas aller loin, c'est pas possible. Est-ce que tu as un rêve? J'ai un rêve de metteur en scène qui est de mettre en scène un spectacle musical. Je suis tombé là il y a 2, 3 ans sur un merveilleux texte de Céline de Montsarrat qui s'appelle Rue du Dessous des Berges, qui a déjà été joué il y a un paquet d'années, mais c'est 7 comédiens, un pianiste, et financièrement, je n'ai pas les épaules. Donc, un jour, peut-être, si je rencontre un producteur qui me dit banco, ben, on ira, mais on est dans une économie, malheureusement, où je ne peux plus non plus monter des Marie Tudor ou des Marchands de Venise à 6 ou 7 comédiens parce que ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher. Il y a une question à laquelle je me refuse de poser parce que pour moi, elle est un moteur tous les matins quand je me la pose. Mais je vais essayer de te la poser à toi malgré tout. Peut-être que tu as la réponse. Le théâtre, c'est quoi? Comment tu veux répondre à ça? Ouais, ben pour moi, c'est du partage. Voilà, c'est une histoire qu'on partage avec les acteurs, avec le scénographe, avec la costumière, avec l'éclairagiste et le metteur en scène. Alors, il y a une autre chose qu'on a partagée, toi et moi, cette grosse dernière année avec plein d'autres, c'est la situation de la pandémie, etc. D'ailleurs, on a beaucoup partagé ensemble aussi d'un point de vue administratif, savoir comment parfois les aides se pouvaient se mettre en place, etc. Et tu as aussi été d'une grande aide là-dessus. Comment toi, en deux mots, tu as traversé cette situation d'un point de vue voilà, personnel? Bon, on a tous été bloqués, ça commence à rouvrir. Je le redis, on est le 16 mai au moment où on enregistre ce podcast. Et comment tu vois, toi, l'avenir? Et puis, Avignon, malgré tout, qui va se tenir dans un mois et demi, alors qu'on était tous assez nombreux à se dire comment ça va se faire, comment c'est possible? Écoute, moi, je l'ai très mal vécu. Voilà, je suis franc, hein, parce que je vis seul. Donc, j'ai passé un an tout seul. Et un an tout seul avec les projets qu'on devait amener en 2019 sur un air de tango en Avignon, ben on ne l'a pas fait. On devait y aller en 2020, on n'y va pas. Donc, quand tu es un an enfermé chez toi avec un projet dans les mains qui est au bord de naître et que tu ne veux pas trop travailler, donc, parce que si tu le travailles trop, tu te scléroses toi-même et tu t'empêches de d'avancer avec tes acteurs, ben, ça a été une horreur. Quoi, voilà. Mais je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Hein, donc, oui, mais c'est à toi que je vous pose la question, justement. Oui, mais non, mais honnêtement, je l'ai très mal vécu. Les premiers mois, tu fais allez, on va prendre sur soi. Et puis, quand tu arrives au bout d'un an, heureusement que le Schmitt, Madame Pilinska, s'est repris au mois de septembre dernier, même si ça a joué un mois, il y a eu une respiration qui s'est faite. Mais j'étais en contrat chez Disney quand ça s'est arrêté. Je bossais sur un spectacle là-bas dans le Comédien. Ça s'est arrêté le 16 mars. Et de mars à septembre, je n'ai rien fait. Voilà, rien. On voyait les dates de tournée s'annuler les unes derrière les autres. Ça a été très, très compliqué. Très, très compliqué. Maintenant, on a décidé de ne pas faire Avignon parce que déjà qu'Avignon, dans des bonnes conditions, c'est compliqué. Mais alors dans des conditions comme ça risque d'être là cette année, où j'ai jamais vu sur Facebook passer autant d'annonces de créneaux de salles libres. Ça fait peur. Et puis te dire qu'il va y avoir des sens uniques dans les rues, qu'il va y avoir des gens qui vont être là pour dire non, vous passez pas par là, vous mettez votre masque, que tu vas, les gens, quand tu vas les tracter, ils vont avoir peur que tu leur postillonnes à la figure, qu'il va faire 45 degrés, que tu auras ton masque sur le visage, que tu vas avoir des limitations de jauge, donc tu vas perdre encore plus d'argent, donc il va falloir que tu vendes plus de dates pour ne serait-ce qu'amortir ton spectacle. Je ne veux pas penser à ça, je veux le faire dans des conditions optimales et je pense que et les comédiens, et la compagnie, et la production, parce qu'on a la chance d'être aidé par Joseph Aragon, Thalia Productions, qui nous soutient là-bas, tout le monde s'en portera mieux. Voilà. Je termine toujours ces épisodes avec le même lot de questions pour tous mes invités. Alors, mon cher Pascal Faber, si tu gagnes au loto, quelle est ta réaction? Ah, si je gagne au loto, j'ai toujours dit que je payais dans un premier temps toutes les dettes de mes amis, histoire que tout le monde reparte à zéro, et avec ce qui reste, j'achète un théâtre pour monter ce que j'ai envie avec qui j'ai envie. Très bien. On est amis ou pas déjà? On verra à la fin du podcast. Est-ce qu'il y a un livre, un film ou une chanson qui a changé ta vie? Pas qui a changé ma vie, mais que j'aurais aimé qu'il change ma vie. C'est West Side Story. Parce que j'ai toujours aimé le musical. C'est vraiment une passion que j'ai dans la vie. Et j'ai toujours voulu danser. Et je ne l'ai jamais fait. Et donc, j'aurais aimé que ça change ma vie. Voilà. Mais j'ai deux pieds gauches, donc ce n'est pas possible. Mais demande à Bénédicte. Je crois qu'elle danse très bien. Si tu ne faisais pas ton métier, tu ferais quoi? Je me suis posé la question plusieurs fois parce que quand j'ai monté Marie Tudor, ça s'est fait sur un coup de tête parce que je m'étais dit, écoute, si ça ne marche pas, j'arrête. Et je n'ai jamais trouvé. Et je pense que je serais revenu à ce que j'aime, à ce qui me détend le plus et ce qui me sécurise le plus, c'est de faire la cuisine. Quel est ton plus bel échec? Je crois que c'était de me faire virer de l'école d'acteurs de Cannes. Ton endroit préféré au monde? Broadway. Il y a un mot américain qui s'appelle le motto, qui est une espèce de devise ou de moteur dans la vie. Quel est ton motto? Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et enfin, quel est ton mot préféré? Rencontre. Parce que on est ce qu'on est grâce aux rencontres qu'on a faites. et on grandira avec les rencontres qu'on va faire. Alors, on arrive à la fin de l'épisode. L'actualité de Pascal Faber, c'est donc le Phoenix Festival qui arrive très bientôt. Donc, le Phoenix Festival, en deux mots. Le 1er au 20 juin. Voilà, c'est un festival pré-Avignon, c'est ça ? On peut dire c'est ça, comme ça, avec malheureusement des spectacles comme le nôtre qui n'iront pas à Avignon cette année, vu les conditions actuelles. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont jeté l'éponge, mais c'est un festival solidaire qui regroupe 18 spectacles dans 7 théâtres parisiens et qui va s'échelonner donc du 1er au 20 juin au Studio Héberto, au Bouffon, à la Comédie Bastille, au Théâtre La Bruyère, et je ne sais plus lesquels, et qui est dirigé par Sandra Volant et Véronique Boutonnet. Et il y a eu 120 demandes de dossiers, il y en a eu 20 qui ont été retenues, ou 18 qui ont été retenues, et on est très heureux de faire partir cette belle aventure. Et on jouera, nous, les 16, 17, 18 et 19 juin à 21h au Studio Héberto. J'ai donc le Schmitt qui va se jouer à Avignon et qui part en tournée. Il y a Escale de Marilyn Ball qui part également en tournée. Et c'est déjà pas mal. Est-ce que tu as un site ou quelque chose où on peut te suivre ? Compagnie 13, le chiffre 13. Voilà, c'est ça. Voilà, parce que tout à l'heure, on n'a pas dit le nom de la compagnie, donc c'est la compagnie 13. Mais je mettrai le lien du site en description. Et le 13, c'est pour te dire comme les acteurs sont importants pour moi, c'est un hommage à Claude Lelouch, qui pour moi est le plus grand directeur d'acteurs qu'on puisse avoir en France. Merci Pascal d'avoir partagé. Merci à toi de m'avoir accueilli chez Lilian Lloyd. En tout cas, c'était très agréable. Je te remercie énormément Pascal. Quant à nous, on se retrouve très vite. Salut la compagnie.